mot se moque. Pas d'équivoque. Les mots se moquent, sonnent échavés. Se battent, se chamaillent pour une note. Résonne, c'est le plaisir d'écrire. S'envole en bavant et vire volte. Les mots sont légers ou cruels. Sur un nuage, ils parlent d'amour. Ce sont mes mots, ils parlent d'elle. Ce sont mes ailes pour toujours. Les mots poursuivent la cadence. S'enchaînent sans gêne, c'est un délice. Ils dansent et n'ont même plus de sens. Entraînant ma peine sans préjudice. Pour une note de musique, mes rythmos prennent la pose. Pas d'équivoque, les mots se moquent. Voici ma prose, ma rhétorique. Rien écrit de l'histoire. Les mots s'amusent, ils s'échappent. Ils fusent et reprennent le pouvoir. Ma peine est tombée dans une trappe. Pour une note de musique, mes échymoses prennent la pause. Pas d'équivoque, une rime en hic. Adieu la prose microscopique. Pose ma rhétorique. Les mots chavirent pour le plaisir. Mes échymoses prennent la pose. S'enchaînent sans gêne. C'est un délice. Les mots se moquent. Font oublier les préjudices. Factice. Équivoque. Les mots se moquent. Ils reprennent le pouvoir. Ma peine est dans le tiroir.